paquet. Ce son restera gravé à vie. Il se doit qu'on le pose bien. LCC, TIPOUG. Ok. J'écris cette lettre. Rempli de désespoir, un soir d'hiver, seul dans le noir, j'ai jamais su faire les bons choix. One direction, one life, ma vie n'a aucun sens, comme de rouler un custissant en fave. Je pense à outrance, aux soucis qu'au lendemain je remets, sans penser une seule seconde que je puisse un jour en avoir des regrets. Devant l'amour, je reste muet, insensible. J'ai un cœur de pierre, au fond je ne suis qu'un débile. Un hétéro peut devenir gay du jour au lendemain. C'est pour ça qu'un manchot peut compter mes potes sur les doigts de sa main. Je prends ma bouteille de Chivas pour me désinfecter mes idées noires du soir. C'est pas demain la veille que je m'arrête de boire. Me demander s'il m'arrive de rêver, c'est comme de souhaiter la bonne année à une personne condamnée. Ici bas on est tous damnés. La vie est tellement injuste que tu peux la perdre pour un portefeuille Louis V à damier. J'écris cette lettre au bord du gouffre, ouais. J'écris cette lettre pour que j'oublie tout. One life, one life, one direction. One life, one life, one decision. J'écris cette lettre parce que je souffre. J'écris cette lettre parce que je vois trouble. One life, one life, one direction. One life, one life, one decision. One life, one direction. Parle pas de ce que tu ne connais pas. Parfois la vie nous joue des tours comme le magicien Herman. Vaut mieux être seul qu'avoir une compagnie suspecte. Quand tu voulais la paix, c'est vrai que j'ai pas su me taire. J'écris cette lettre au bord des larmes, au bord du gouffre, pour que tu saches combien je souffre et que je stagne. Sans ton souffle, sans tout, tu as mis mon cœur dans ma tête, t'as mis le souk. J'aimerais pouvoir te voir revenir sans écouter de zouk. Sous mes airs de macho, je fais semblant que rien ne m'atteint. Alors que nos photos, je les regarde tous les matins. Tout n'est pas simple, je suis pas un saint, même si j'en porte le nom. Tout paraît sombre, je suis paresseux et le temps coupe le réseau. Et j'ai tort quoi raison de me laisser dans ma passion. Mais passons, même si j'ai tant de questions, j'oublie pas nos bons moments, carrément je les enregistre. Comme ça, si ça tombe dans tes oreilles, mes regrets seront repris. J'écris cette lettre au bord du gouffre, ouais. J'écris cette lettre pour que j'oublie tout. One life, one life, one direction. One life, one life, one decision. J'écris cette lettre parce que je souffre. J'écris cette lettre parce que je vois trouble. One life, one life, one direction. One life, one life, one decision. J'aimerais te faire écouter cet album, toi qui n'es plus de ce monde. Je repense souvent à toi et je sombre dans la déprime totale. J'aimerais que tu vois ce que je suis devenu. Je regarde ton portrait, le contemple avec retenue. La haine m'habite, je la retransmets à travers un bic. Aujourd'hui je n'ai plus peur que la faucheuse me fasse la bise. Quand les souvenirs rappliquent et viennent me traumatiser, mes larmes s'abritent, aide-moi car je ne peux plus respirer. Maintenant que je suis déçu, tu descends dans mon estime. Si mon amour était des pièces, tu n'aurais même pas les centimes. Les sentiments ne font pas tout, tu me l'as assez répété. Pendant ta joie, tu ressuscites, mon bonheur t'a enterré. Je parle que de toi dans mes textes, à croire que c'est toi l'auteur. Je ne descendrai pas plus bas, j'ai du mal à reprendre de la hauteur. T'as de la rancœur, comme ta grande sœur. Mais n'oublie jamais qui était là pour calmer tes peurs. J'écris cette lettre au bord du gouffre, ouais. J'écris cette lettre pour que j'oublie tout. One life, one life, one direction. One life, one life, one decision. J'écris cette lettre parce que je souffre. J'écris cette lettre parce que je vois trouble. One life, one life, one direction. One life, one life, one decision.